de passer une toute bonne suite de journée avec nous et avec Histoire Vivante, tout de suite sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. La relation entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Je crois que c'est l'affrontement le plus important de la guerre froide. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840. Cette semaine, la Corée. Elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1860. Du déchirement au face-à-face. La Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un même nom pour deux pays. Le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. Ils vivent aussi sur un système de caste. Les femmes coréennes sont la force. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. Et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. 1988, Séoul devient capitale olympique. Quelle Corée découvre-t-on à l'occasion d'un pareil événement ? Reportage, Bernard Mortier. Les Coréens vivent cet événement sportif comme un honneur à mériter, comme une consécration internationale à ne pas rater. Au nom des Jeux, dans les rues de Séoul, des volontaires une fois par semaine invitent les 10 millions de citadins à davantage de sourire et de propreté, une sorte de méthode couée appliquée au sens de l'hospitalité. Ailleurs, ce sont des acteurs et des gens du spectacle qui incitent le promeneur à prendre conscience de ses responsabilités olympiques. Et jusqu'au taxi de Séoul, dont les tableaux de bord sont ornés de ce qui sera leur bréviaire pendant la durée des Jeux, traiter les clients étrangers comme s'ils étaient des membres de leur famille, conduire prudemment et ne pas fumer. Le rendez-vous de 88 a tellement imprégné la vie coréenne que le monde politique s'est emparé de cette date comme d'une référence universelle. L'homme fort du pays, le président Chun Doo-hwan, a sauté sur l'occasion. À ses yeux, désormais, les enjeux politiques se partagent en deux catégories. Ceux qui concourent à renforcer l'événement et ceux qui ne pourraient que lui nuire. À l'actif de cet ancien général, soudainement apparu sur la scène coréenne en 1980, un essor économique qui fait de son pays l'un des rivaux les plus redoutés du grand voisin japonais. En 6 ans, le niveau de vie du Coréen s'est considérablement amélioré. Une classe moyenne issue du monde des affaires s'est développée et avec elle, un vent de libéralisme politique a soufflé. Tant et si bien que le président Chun Doo-hwan, au rythme où vont les choses, pourrait ne pas pouvoir jouir de la consécration olympique. L'opposition à la personne des deux Kim a très vite compris tout le bénéfice qu'elle pouvait tirer elle aussi de l'échéance de 1988. La constitution sur mesure que s'est offerte le président coréen ne prévoit pas d'élection présidentielle au suffrage universel. D'où la révision que demande l'opposition avant même l'organisation des Jeux, une exigence que Chun Doo-hwan vient juste d'accepter de fort mauvaise grâce. Sans compter sur l'agitation étudiante, une spécialité toute locale, elle aussi très vite convaincue de tout le profit qu'elle pouvait tirer de la perspective des Jeux. Depuis quelques mois, au nom d'un retour à la démocratie, les manifestations violentes se sont succédées, ne laissant d'autre choix au gouvernement que la répression ou le compromis. Là encore, si Chun Doo-hwan a choisi le compromis, c'est bien sur la contrainte d'une opinion internationale plus vigilante que jamais en cette période pré-olympique. Une agitation qui n'est pas faite pour assurer l'allié américain, qui considère plus que jamais ce demi-pays comme l'une de ses principales têtes de pont face au monde communiste. Car le face-à-face fratricide entre Sud et Nord-Coréens continue de se jouer quotidiennement à moins de 40 km de Séoul. À Panmunjom aussi, les Jeux Olympiques ont joué leur rôle, puisque les Nord-Coréens ont d'abord essayé de participer à l'organisation des Jeux. Face au refus aussi bien du comité olympique que des Sud-Coréens, Kim Il-sung pourrait fort bien choisir le boycott en entraînant dans son sillage ses alliés asiatiques que sont l'Afghanistan et le Laos. La confirmation tombe peu après dans cette dépêche. La presse nord-coréenne est unanime ce matin, il ne faut pas aller à Séoul. Premier motif invoqué, la mauvaise répartition des épreuves qui lui sont attribuées. La Corée du Nord a consenti de gros investissements pour participer dignement, estime-t-elle. Et le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Deuxième motif, beaucoup plus politique, la Corée du Nord ne peut se rendre dans un pays en période de troubles et gouverné par une dictature militaire fasciste. Décidément, les divergences sportives et politiques sont aussi effectives que la séparation géographique entre les deux nations. Identité et image de la société coréenne, entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité telle qu'elle est. Alain Delissen, de l'École des hautes études en sciences sociales, directeur adjoint du Centre de recherche sur la Corée. Je pouvais, il y a encore seulement 7-8 ans, commencer des cours relatifs à la Corée, par exemple les premiers cours que j'ai donnés à l'Université de Genève, ou des cours que je donnais à des étudiants de licence à Sciences Po, par exemple, et ainsi de suite, à partir de ce que j'appelais toute une série de matrices, de clichés journalistiques, qui étaient massivement inquiétants d'être massivement datés. C'était soit guerre froide, soit, par exemple, la Corée du Sud, état atelier dictatorial, où les gens travaillent 90 heures par semaine sous un régime épouvantable, ainsi de suite. On se dit, mais attendez, il faudrait un peu mettre vos carnets à jour. Il y avait cette espèce d'image noire, vraiment, de la Corée, à laquelle d'ailleurs répondait parfaitement, et ça fait partie de la stratégie de reconnaissance sud-coréenne, ce discours du pathos. Quelque part, ça arrangeait bien. Aujourd'hui, c'est quand même assez remarquable les progrès qui ont été faits dans la couverture, de façon générale, et de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est-à-dire que du côté européen, nous progressons considérablement, et je pense qu'il y a encore un travail à faire, sans doute du côté des gouvernements coréens en termes de politique culturelle. Mais là aussi, ça change, c'est-à-dire le gouvernement sud-coréen, qui est bien sûr le seul actif, et je dirais le seul qui a le monopole quasiment de la promotion de la Corée, ainsi de suite, a beaucoup changé aussi sa politique ces dernières années, en étant moins soucieux de, par exemple, promouvoir une image un peu folklorique, folklorisante de la culture coréenne, et beaucoup plus, je vais dire, branchée. Ce que j'observe parmi mes étudiants, c'est que en dehors des circuits de la vie culturelle des ambassades et des consulats, ils ont accès à des produits culturels coréens, à des produits de masse et des produits culturels, on va dire, jeunes, branchés. Donc ça va de la BD à la musique, au cinéma, au drama, enfin aux séries TV, et que le gouvernement sud-coréen l'a bien compris. Donc ça change de tous les côtés et c'est bien. Quelle différence entre la Corée des années 80 et celle d'aujourd'hui? Bernard Sénécal, université jésuite de Sogang. Moi, je crois que c'est une... Bon, c'est-à-dire, il y a une crise économique. Et en même temps, il y a un niveau de vie qui a considérablement augmenté. Il y a eu une aisance, il y a une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus considérable. Quand je suis arrivé au début des années 80, l'obtention d'un passeport était difficile. Aller faire des études à l'étranger l'était encore plus. Et il n'était pas question d'aller voyager, sauf si on appartenait à une classe vraiment privilégiée. Maintenant, les Coréens voyagent énormément. Vous voyez plus d'étrangers à Séoul. Les étrangers, on se saluait sur les trottoirs. Maintenant, bon, il y a beaucoup plus d'étrangers. Et il y a un problème de main-d'œuvre étrangère qui se pose. Il y a au moins 1 200 000 travailleurs étrangers encore, et peut-être beaucoup plus, en fait. Ils viennent de tous les pays du sud-est asiatique. Ils viennent aussi de Chine. Il y en a qui viennent du Népal, ils viennent d'Asie centrale, vous savez, ces pays Kazakhstan, Kyrgyzstan, ils viennent de ces pays-là aussi. Les différences entre la Corée dans laquelle j'ai commencé à vivre au début des années 80 et celle dans laquelle on se trouve actuellement, il n'y a pas de voiture personnelle. Par exemple, à table, il y avait de la viande une fois par semaine, et les Coréens ne la mangeaient pas. Moi, je me précipitais dessus, quoi. J'étais en manque de protéines. Il n'était pas question d'aller voyager à l'étranger. Le nombre de Coréens qui n'avaient jamais pris un avion était absolument considérable. Et c'était un pays qui était sous la dictature, et on ne pouvait même pas parler de politique dans un café. J'ai posé une fois une question sur le dictateur Chun Doo-hwan, et tout le monde s'était mis à regarder autour. Au cas où un agent de la police secrète les aurait pris en flagrant délit de parler avec un étranger de politique. C'est un climat, comment on dirait, de terreur, hein, ni plus ni moins. Alors, vous avez maintenant un pays où il y a une affluence de biens de consommation qui est considérable, des possibilités de voyage. Il y a beaucoup plus de confort. L'une des conséquences principales, c'est qu'on avait une société coréenne au début des années 80 extrêmement diligente, extrêmement disciplinée et soumise, en dépit de l'existence de mouvements ouvriers très, très organisés et puissants, mais que le gouvernement contrôlait très fort. Non, vous avez une société beaucoup plus permissive et une jeunesse qui n'a pas connu les difficultés de la période de l'industrialisation massive du pays avec un déplacement des campagnes vers les villes. Vous avez une jeunesse qui est loin, dans beaucoup de cas, d'être aussi dur au travail que la génération de ses parents, quoi. Les jeunes ont envie de vivre leur vie, d'en profiter. Tandis que pour les parents, c'était des 12 heures par jour de travail, 6 jours par semaine dans les usines. Joëlle Girardin est quant à elle d'origine française, mais se définit comme coréenne adoptée. Elle est professeure à l'Alliance française. Quelques précisions sur la société coréenne actuelle, définie comme compartimentée et clanique. Joëlle Girardin. C'est vrai qu'en tant que Française, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de hiérarchisation. Ça, c'est quelque chose qui reste encore très fort. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre en tant qu'Européenne, mais quelque part, ça fait partie de la culture. Donc, ces questions d'âge, si on a ne serait-ce qu'un mois de plus ou de moins, et que ça change un peu la façon de parler à la personne, c'est quelque chose de culturel. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre en tant que Français. Donc après, est-ce que ça doit changer ou pas? C'est pas à nous à le dire. C'est au peuple coréen de dire, bon, on en a marre de ça ou ça nous convient très bien. Après, je sais pas si c'est un cliché dans le sens où ça fait partie de la culture aussi, du confucianisme et de ses règles de vie sociale. Vous savez, la Corée était longtemps un pays du confucianisme. Sur la condition des femmes en Corée du Sud, Moon Se-yoon, professeur à l'université Sokmyung, université privée féminine, 12 000 étudiants à Séoul pour 9 universités. Donc ce sont des hommes qui dominaient et les femmes qui étaient plus ou moins soumises. Mais là, avec l'évolution du temps, la société change et en même temps les femmes aussi, les statuts des femmes, ça change aussi. En fait, les femmes étaient dans des situations très difficiles parce que ce sont des hommes, soit qu'ils font des travaux, je sais pas, assez importants à leurs yeux, et les femmes étaient condamnées à faire des tâches ménagères. Mais en fait, à force d'assumer ce rôle un peu soumis, les femmes coréennes sont devenues des femmes très actives qui assument tout. Je pense que les femmes coréennes sont la force de la Corée et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. Par exemple, en tant que mère qui fait tout, en tant que l'épouse qui fait tout pour son mari, en tant que mère qui fait tout pour les enfants, finalement, dans ce rôle très actif dans tous les domaines, elles deviennent très indépendantes. Par contre, les hommes, ils sont plus ou moins servis. Mais ça change aussi avec l'évolution du temps. Donc finalement, ils ne savent pas faire tout seuls, les hommes. Donc du coup, je pense que les femmes ont accumulé pas mal de savoir-faire. Par exemple, au niveau de la langue, surtout étrangère, ce sont des femmes qui parlent très bien, alors qu'en général, c'est comme ça. Les hommes parlent un peu moins, ils raisonnent plus peut-être. Et de là, je pense que si la Corée est aujourd'hui arrivée à devenir 10e ou 11e puissance du monde, enfin économique, je pense que c'est vraiment grâce aux Coréennes qui savent se consacrer à tout. Je pense que c'est vraiment notre compétitivité. Elisabeth Chabanol, responsable de l'école française d'Extrême-Orient en Corée. Lorsque j'ai commencé à enseigner il y a 23 ans, en plus en province, dans une ville de province, j'enseignais aux meilleurs étudiants d'une région qui était souvent de famille d'agriculteurs. Et maintenant, bon, bien sûr, j'enseigne à Séoul à un autre type d'étudiants qui proviennent de familles plutôt aisées de la capitale. Ces étudiants ont beaucoup changé. Si il y a 23 ans, ils parlaient difficilement une langue étrangère, maintenant pratiquement chaque étudiant parle l'anglais, peut s'exprimer en anglais, et a une connaissance du monde, ne serait-ce que grâce à l'Internet et aux techniques nouvelles dont les Coréens sont extrêmement friands, une ouverture impressionnante vers le monde qu'ils n'avaient pas il y a 23 ans. L'Internet a certainement beaucoup compté, mais de plus aussi, ces étudiants qui ne pouvaient pas sortir de leur pays dans les années 80, à partir de la démocratisation après 1987, ont commencé à aller étudier à l'étranger, bien sûr en priorité aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Chine, et sont revenus dans leur pays eux-mêmes enseigner ou travailler, donc oui. Qu'en est-il de la société et de l'identité coréenne? La question des mariages permet aussi de s'en donner une idée. Mariage mixte ou pas? Elisabeth Chabanol. Autrefois, bon, c'était les jeunes femmes coréennes qui épousaient très facilement des étrangers. Et ce genre de mariage, bien sûr, était plus ou moins bien vu parce que c'était, bon, à la suite de la guerre de Corée, ces jeunes femmes épousaient plutôt des militaires et des soldats américains. Et puis, depuis quelques années, justement, les jeunes Coréens partant travailler à l'étranger ou étudier à l'étranger, il leur arrivait d'épouser des filles ou des femmes occidentales, même si ces cas-là sont encore extrêmement rares. Et dans les campagnes coréennes, les jeunes hommes ou même plus âgés ne trouvant pas de Coréennes pour se marier, n'hésitent pas à épouser là des personnes plutôt d'Asie du Sud-Est. Alors moi je crois que mes étudiants ont une différente mentalité. Kang Ho-kyung, professeur à l'Alliance française. On peut dire qu'ils ont un esprit plus libre, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils pensent. Moi par exemple quand j'étais jeune, je ne peux pas parler librement devant les adultes. Aujourd'hui d'ailleurs aussi, je peux pas, mais eux, ils se dérangent pas, ils s'expriment librement, même devant moi. Donc moi, je fais parler mes étudiants souvent, mais je suis vraiment très étonnée des fois, oui. Par exemple, aujourd'hui, dans la classe, on a parlé des mariages mixtes, c'est-à-dire surtout avec une autre race, oui, c'est-à-dire une race blanche. Ou une race, c'est-à-dire noire. D'ailleurs, j'ai demandé à mes étudiants, mais surtout à cause de mes parents, je ne pourrais pas me marier avec une autre race. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, ma mère accepterait rarement, c'est-à-dire, je ne pourrais pas me marier avec un Français ou c'est-à-dire un Africain surtout. Mais maintenant, les jeunes, ils ont un choix, quoi. Donc, j'étais très étonnée aujourd'hui. Il y avait un étudiant qui dit « Moi, j'aime pas les filles africaines, noires. » J'étais étonnée aussi. Donc, pourquoi ? Elles sont belles, il dit. Mais, c'est-à-dire, moi, j'aime pas, en général, j'aime pas les étrangers. C'est-à-dire, c'était son avis personnel. C'est pas à cause de la société ou ni à cause de ses parents. C'était très frappant pour moi. Les familles séparées restent pour le moment l'une des épines les plus douloureuses séparant les deux Corées. Seol Yong-soo, vice-président du Conseil coréen pour l'éducation à l'unification. Au cours du processus de division, des personnes alors dans l'illégalité ainsi que certaines personnes pauvres voulaient se rendre en Corée du Nord parce qu'elles avaient une mentalité plutôt progressiste. Et les personnes plus riches et plus conservatrices se sont généralement rendues, elles, en Corée du Sud. Et c'est ainsi qu'a commencé la séparation. Et la guerre de Corée a rendu cette division encore plus claire aux yeux de tous. Après la guerre, il n'était plus possible de passer de l'un vers l'autre. Au début, on estimait à 10 millions le nombre de personnes concernées par la question de la séparation des familles. En 1985, la Croix-Rouge a suggéré que l'on puisse réunir ces familles. Et cela a pu se produire dans certains cas isolés. Mais en l'an 2000, grâce à la déclaration du 15 juin qui mentionne la réunion de ces familles séparées, le processus a pu continuer. Au début, il y en avait 130 000 demandes de réunification. Et 3 000 personnes ont pu revoir les autres membres de leur famille. Ce qui laisse encore 127 000 personnes n'ayant pas revu leur famille. Malheureusement, 40 000 de ces demandeurs sont morts. Et aujourd'hui, il reste encore plus de 74 000 personnes toujours en attente. La réunification de ces familles est une raison humanitaire pour laquelle les deux Corées devraient être réunifiées. La question des familles séparées fait-elle partie intégrante des discussions au sein même de la famille ? Lee Ruli, étudiante coréenne à l'Alliance française. Je pense qu'avant, oui, mais plus maintenant. La génération avant, pas notre génération. Parce qu'avant, il y avait des familles qui sont séparées, qui étaient séparées à cause de la guerre. Mais maintenant, j'ai pas de cousins ou de frères ou de sœurs qui habitent là-bas. Donc, je m'intéresse plus à la division. Oui, quand il y a des infos à la télé, je vois et je pense, oui, je réfléchis, mais à la vie quotidienne, je n'y pense pas. Lim Byung-chol, ministère de la réunification coréenne. Notre gouvernement recherche une réunification qui soit à la fois bénéfique pour chacun et qui se fasse de manière progressive. Si l'on regarde d'autres processus d'unification qui ont eu lieu, comme l'unification allemande par exemple, cela entraîne de nombreuses répercussions sur les plans économiques, politiques, sociaux et culturels. Nous pensons donc qu'une réunification menée de manière trop brutale, sans prendre le temps de dresser un cadre institutionnel et politique viable, sera la source de nombreux conflits. Nous ne voulons donc pas presser les choses. Actuellement, le produit national brut en Corée du Sud est 37 fois plus élevé qu'en Corée du Nord. Notre volume total d'échanges est 225 fois plus important que celui de la Corée du Nord. Le fossé économique est donc énorme. Une unification trop rapide ne fera que creuser encore davantage ce fossé entre les deux Corées. En ce qui concerne les impacts sociaux et culturels, nous risquons de voir apparaître une certaine discrimination entre les populations du Nord et du Sud. De même, un processus mené trop rapidement risque d'empêcher que ne se crée ce sentiment d'unité nationale. Donc, ayant considéré tous ces risques, notre gouvernement cherche dans un premier temps à faciliter la coopération et les échanges pour diminuer le fossé qui nous sépare avant de procéder de manière très graduelle à une réunification. Par-delà la question des familles séparées, quel désir la société sud-coréenne a-t-elle réellement de renouer avec le Nord dans la perspective d'une identité coréenne pleinement retrouvée ? Et quel choc culturel imaginer entre deux pays dont l'évolution a à ce point tellement divergé ? Joël Girardin, professeur à l'Alliance française. Ben, c'est ça qui m'a un peu surprise, c'est que justement je ne ressens pas ce désir, en tout cas dans la nouvelle génération, je ne ressens pas ce désir ni cette envie d'en parler forcément. Enfin, parmi mes amis coréens, ce n'est pas un sujet qu'on aborde ou qu'on a souvent abordé, et si on en parle, la réponse reste toujours un peu la même. Du doute, de la méconnaissance et pas d'intérêt particulier. Donc quelque part, oui, ils se sentent concernés quand même, mais il y a ce détachement, cet éloignement qui est assez présent quand même dans leur discours, je pense. Ce qui m'a un peu surprise, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas si longtemps que la Corée a été séparée. Personnellement, je trouve que ça n'avait pas si longtemps pour en être aussi détaché, en fait. C'est ça le... Donc c'est vrai que je suis assez pessimiste sur la réunification. Si ce n'est du côté politique, je pense pas qu'au niveau du peuple, il y aura beaucoup de démarches dans ce sens-là. Je connais des personnes qui sont allées en Corée du Nord, et c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver dans les années 80, enfin, les années 80 de la Corée du Sud. Donc il y a un décalage temporel, je dirais, entre les deux. Donc je pense qu'il y aura un certain choc culturel important à ce niveau-là. Oui. Seol Yong-soo, vice-président du Conseil coréen pour l'éducation à l'unification. Quand la réunification aura lieu, soudainement, la Corée du Sud se retrouvera confrontée à trois problèmes. Le premier sera ce fardeau économique. La Corée du Sud devra créer des emplois pour les Coréens du Nord. Le second, ce sera une certaine confusion sociale, voire un chaos social. Et enfin, le troisième prendra la forme d'un chaos au niveau de la dynamique politique et de l'influence de la Chine, de la Russie et du Japon. Si nous parvenons à achever une réunification, alors la Russie et la Chine pourraient s'inquiéter de leur perte d'influence sur la Corée du Nord. De manière générale, de nombreux pays s'inquiètent de la réunification des deux Corées. Mais pour les Coréens, même si la réunification provoque quelques problèmes d'ordre économique, c'est un passage obligé. La Corée du Sud souhaite la réunion des deux Corées pour l'horizon 2020, lorsque le PIB des Coréens aura atteint 40 000 dollars. Et ce n'est pas grave si cela se produit même 4 ou 5 ans plus tard. Je pense que quoi qu'il arrive, nous devons nous attendre à une réunification. Notre épisode était intitulé « Olympisme, identité et société ». Entretien à Séoul, Thierry Arsin. Cette semaine est mise en onde par Jérôme Nussbaum. Demain, nous recevrons à ce micro le réalisateur Pierre-Olivier François pour parler avec lui du prochain documentaire d'Histoire vivante que nous présente désormais, chaque semaine, Frédéric Pfeiffer de l'unité des documentaires de la RTS. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean. Donc oui, ce documentaire. Le documentaire en question que nous allons diffuser donc ce dimanche sur RTS2. Bien, c'est un peu un ovni hein, si on compare à ce qu'on a d'habitude de voir sur la Corée du Nord. Il est intitulé Pyongyang s'amuse. Son auteur, c'est le professeur au Langso de coréen et directeur de collection chez Actes Sud, Patrick Morus, dans une réalisation du réalisateur français Pierre-Olivier François. Deux grands connaisseurs de ce pays qui, à eux deux, cumulent quand même près d'une quarantaine de voyages en Corée du Nord. Et donc, dans ce documentaire, eh bien, pas question de goulag, pas question de violence politique, ni de dictature, tout ça, il n'y a pas. Alors, je précise pour les gens qui l'ignoreraient que Langso, dit peu avant par Frédéric Pfeiffer, sous-entend langues orientales. Autrement dit, ce que vous nous présentez, c'est un documentaire version La Corée du Nord, Lonely Planet, Frédéric Pfeiffer. Favorable au régime, vous voulez dire ? Ben non. En fait, dès l'intro du documentaire, le commentaire souligne que, effectivement, tout ceci existe, c'est bel et bien une dictature, mais en fait, ce n'est pas que cela. Et cette dictature, eh bien, c'est ce qui tourne un peu en boucle dans les documentaires, dans les médias occidentaux, on en parle beaucoup. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre facette de la Corée du Nord qu'on va voir. Patrick Morus et Pierre-Olivier François promènent leurs caméras dans la capitale, dans Pyongyang. Ils vont dans les restaurants, ils vont dans les parcs, dans les magasins, ils vont aussi dans les piscines, les attractions, les Luna Park, ce genre de choses. Et on souligne par exemple le développement du tourisme intérieur avec les Chinois, on parle gastronomie, on montre que certains Coréens ont beaucoup d'argent, que d'autres n'en ont pas du tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Patrick Morus, donc ce professeur, Monsieur Langso, il décode toutes ces images, en fait. Il donne de l'épaisseur à ce qu'on voit. Il aide à comprendre qu'est-ce que c'est que la société nord-coréenne aujourd'hui, comment elle évolue au gré des choix politiques du leader Kim Jong-un, par exemple. On suit le tournage d'une vidéo souvenir avec des jeunes mariés dans les hauts lieux de la ville. Il y a des poses photos devant les monuments, et puis après c'est la fête dans une salle spécialisée où il y a une centaine d'invités, ben tout ça c'est très classique en fait. Hein. Mais ce que la vidéo ne montre pas, mais par contre ce qu'on nous explique, c'est que par exemple, tous ces mariages sont arrangés entre personnes de la même catégorie sociale, de la même caste, et ça cette caste en Corée du Nord, moi je la connaissais pas, avec tout en haut, eh bien les familles issues des proches du leader historique Kim Il-sung, donc le grand-père, le leader Maxima de Corée du Nord, le grand-père de Kim Jong-un, l'actuel dictateur, et avec tout en bas, eh bien les familles qui descendent des collaborateurs de l'occupant japonais, ça c'était avant la guerre de Corée. Donc il y a vraiment toute une gradation. Il y a des castes, à peu près 40 niveaux, avec une impossibilité stricte de se marier au-dessus ou en dessous de son rang. Et ça, pour moi, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on ne nous montre pas. Et c'est une règle, d'ailleurs, qui évolue depuis quelques années. On l'apprend avec la famine, la désintégration partielle de l'État et du parti. Tout ça a été remis en cause et a permis une sorte d'élargissement des choix, par exemple, des gens avec qui on va se marier, avec une explication, par exemple, que les élites d'aujourd'hui, ils sont représentées par les hommes politiques, les militaires, les scientifiques et les hommes d'affaires. Autrement dit, une Corée un peu moins en noir et blanc, mais un peu plus complexifiée. On vous remercie, Frédéric Pfeiffer. Je rappelle le titre du documentaire que vous avez choisi pour nous, Pyongyang s'amuse. Un documentaire à voir donc en direct sur RTS2 ce dimanche, et dès aujourd'hui sur le site lesdocs.ch ou encore le Play de la RTS sur votre ordinateur. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. À la fin du mois, Kim Jong-un et Donald Trump se rencontreront à nouveau pour parler de dénucléarisation et de paix durable. Pendant ce temps, environ 100 000 Nord-Coréens restent emprisonnés dans des camps de rééducation. À l'ombre de la dictature coréenne, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.